Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Antoine Lapointe-Ricard rendra l'hiver un petit peu plus plaisant avec sa chronique plein air. Et moi, je vous parlerai des gens qui se couchent tard et des bénévoles dans Tania is gonna entertain ya. Plus que 8 émissions. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis en ce lundi 16 avril 2018. On est à 11 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Et on croirait pas que c'est la fin de la session, hein? Et là là! Et là là! On pensait que les deux dernières semaines de la session seraient au moins un petit peu ensoleillées. Un petit peu, mais là, pas du tout. On ambitionne un peu, je trouve. C'est incroyable ce matin. Je tiens à dire qu'il y a vraiment toutes les écoles, encore une fois, primaires et secondaires, qui sont fermées matin parce que la commission scolaire est intelligente. Il y a aussi beaucoup de cours universitaires qui ont été annulés. Donc, si jamais vous êtes debout là, puis vous savez comme pas trop présentement, allez faire un tour sur vos courriels de l'UQTR parce que je sais qu'il y a plusieurs professeurs qui ont envoyé des messages déjà hier. Considérant la fermeture là, de leur cours, tout simplement. Des mises en demeure, si on veut. Ouais, puis quasiment, parce que c'est compliqué ce matin. Attendez-vous à au moins 20 minutes de déglaçage de votre voiture. Et ça, c'est sans compter le fait que présentement, il n'y a aucun sel dans les rues. Donc, c'est glissant rare. C'est extrêmement glissant. Faites attention. C'est vraiment plate comme température ce matin. C'est vraiment pourri. Faites comme Tania. Textez-moi pour savoir comment il fait dehors. Là, je dis, c'est sûrement moins beau que dans tes couvertures. Ouais, exactement. Parce que... Ouais. On est confortable. Je suis resté couché ce matin, moi. Hey, ah, mais on va passer au travers. Peut-être que je ne retournerai pas chez nous entre la job et l'improvisation ce soir. Ouais, grosse journée. Restez ici. Bref, aujourd'hui à l'émission, on a Antoine Lapointe-Ricard qui, bon, j'imagine, va être là, étant donné qu'il nous fait une chronique plein air. Ce serait mal vu un petit peu de ne pas être capable d'affronter les éléments comme ça. Hein? Mm-hmm. Donc, il va être avec nous vers les 8 heures pour sa chronique plein air. Sinon, c'est pas mal le seul chroniqueur régulier. Il y a toi qui s'en vient plus tard avec ta chronique Tania is gonna entertain. De quoi tu nous parles aujourd'hui dans tes deux chroniques? Eh bien, aujourd'hui, dans mes deux chroniques, je vais vous parler des gens qui se couchent tard parce que ces gens ont certaines particularités. Ah. Donc, on va essayer de démystifier un petit peu ces particularités. Et je vais aussi parler de bénévolat, chose qui tente à disparaître. Oh. Donc, on va discuter de tout ça un petit peu. On va remettre ça sur la map. Oui, exactement. Super, ça. Génial. Moi, je vais faire autour de ça les instructions d'assemblage en fin d'émission. Et on va débuter avec son foutu palmarès. On va parler, en fait, tu parles de gens qui se couchent tard. Oui. On va parler aussi de gens qui se sont couchés tard pendant leur adolescence, peut-être, en écoutant la télé. Donc, on va parler de rire et de dessins animés dans quelques minutes. Mais avant ça, le classique, on le joue presque à tous les jours cette semaine. C'est quasiment pour passer un message. Pas cette semaine, ce mois-ci. C'est pour passer un message qu'à un moment donné, ça va faire. C'est Birmanie avec l'hiver et long en crise. Assemblage requis sur cette station. Yeah. Birmanie avec l'hiver est long en crise, c'est le nom de la chanson à Assemblage Requis. Maintenant, c'est son foutu palmarès. C'est la chronique où on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et aujourd'hui, je te pose la question pour commencer. Est-ce que t'as déjà écouté Beavis and Butthead quand t'étais jeune? Ça me dit rien. Pas tout à fait ton genre. C'est les deux gars qui riaient comme des imbéciles en regardant des vidéoclips sur MTV. Ah, oh, mon Dieu, non. Non, t'as jamais regardé ça, ça me surprend pas. C'est pas mon genre non plus. Mais quand même, parlons-en. Ça a débuté le 8 mars 1993, Beavis and Butthead, sur MTV. Les parents aimaient pas ça, mais les enfants adoraient ça. Certains disaient que c'était la fin du monde civilisé, alors qu'un critique pour Time Magazine, Kurt Anderson, a dit que c'était une des émissions les plus braves à être diffusées à la télévision. Il y a eu 200 épisodes de Beavis and Butthead, des livres, oui, plusieurs, un film et une trame sonore en vue d'un bref retour en 2011. Donc, c'est le 20e anniversaire récemment, donc parlons un petit peu de ces merveilleux petits bonhommes. Pour commencer, Beavis and Butthead, ça a débuté sur l'émission Liquid Television. Mike Judge, que vous connaissez entre autres pour Henri et sa gang, King of the Hill, enseignait l'animation. C'est enseigné à lui-même l'animation, oui, et jouait de la bass dans un band qui s'appelait Anson Thunderberg and the Rockets. Et puis ensuite, en dedans d'un an, il a réussi à passer un de ses dessins animés dans Liquid Television. C'était une émission un peu où il y avait des courts-métrages de dessins animés où on pouvait se faire un nom si on veut. Donc, son dessin animé Milton, qui était le personnage à l'origine du film classique Office Space. Est apparu dans un épisode de 1991. En 92, Beavis and Butthead ont fait leur première impression dans le court-métrage Frog Baseball. Ensuite, MTV a payé Judge pour les droits de ces deux personnages. Ils ont commandé 65 dessins animés de 4 minutes. MTV a tiré la plug pas trop longtemps après le début. Après leur avoir donné le feu vert à Beavis and Butthead, MTV a dû arrêter la production. C'était pas à cause d'une controverse, mais parce que Judge et son équipe d'animation n'arrivaient pas à suivre la demande pour le nouveau matériel, ce qui a forcé MTV à arrêter de diffuser l'émission 2 semaines avant sa première. Ils sont revenus en ondes 6 semaines plus tard, le 17 mai, avec Scientific Stuff et Good Credit. Mike Judge a improvisé une bonne partie du dialogue pendant les vidéoclips. Donc, une grande partie de l'émission, c'était de regarder les vidéoclips et de les juger, de faire des petits commentaires cyniques là-dessus, sarcastiques. Donc, Judge était la voix de presque tous les personnages de l'émission et faisait partie d'un petit groupe d'écriture. Et il a opté donc d'ajouter à sa charge de travail en improvisant les opinions des deux personnages sur de la musique. On sauvait du temps sur l'animation pour les commentaires de vidéoclips en ayant un éditeur qui prenait des clips des anciens épisodes et synchronisait ça avec les nouvelles positions de bouche. Ben, plus simple de même. C'est un peu la technique de South Park qui fait ça qui peuvent faire ça en quelques jours à peine, un nouvel épisode. Même chose pour Beavis and Butthead en reprenant des vieux clips, des vieux segments de l'émission. Ensuite, Beavis and Butthead ont été nommés en l'honneur d'enfants qui vivaient dans le quartier de Mike Judge. Bobby Beavis était un enfant athlétique qui vivait à 3 pâtés de maison de Judge pendant qu'il était à l'université. Il était pas trop similaire du tout à la personne qui a reçu son nom dans Beavis and Butthead. Il y avait aussi un enfant de 12 ans qui s'appelait Iron Butt parce qu'il disait ne jamais s'être fait blesser en se faisant botter les fesses. Il y avait un ami aussi qui s'appelait Butthead, donc on a combiné tout ça ensemble. Toutes les références au feu ont été enlevées de façon permanente après que l'émission ait été blâmée pour une mort. C'était en octobre 93 où un garçon de 5 ans a mis le feu à sa maison dans l'Ohio. Ça a tué sa sœur de 2 ans. Leur mère disait que l'amour pour le feu de Beavis dans l'émission était responsable pour ça. La réponse rapide de MTV était de diffuser seulement l'émission après 22h30 et d'enlever toutes les références au feu dans les précédents épisodes. Seulement les fans qui avaient enregistré les anciens épisodes sur leur magnétoscope pouvaient savoir que le mot avait été dit. Le mot « fire », feu, a été banni pour le reste de la diffusion originale, mais on a permis le retour du mot « feu » en 2011 lors de la deuxième version. Un sénateur a déjà fait référence à Beavis and Butthead en tant que Buffcoat and Beaver. Peu de temps après ces feux, le feu accidentel dont j'ai parlé tantôt, le sénateur Ernest Fritz Hollings, démocrate de la Caroline du Sud, a parlé devant le Sénat, devant la chaire du Senate Commerce, Science and Transportation Committee. Donc Hollings essayait de dire que les diffuseurs télévisuels devaient être forcés à censurer un petit peu la programmation offusquante et à utiliser l'émission la plus controversée en ce moment-là comme exemple spécifique, sauf que c'est trompé, c'est enfargé. Il les a appelés « Buffcoat and Beaver ». Ah, oh, wow. Wow. Les officiels en prison en Oklahoma ont aussi banni l'émission. On dit en fait qu'il y avait des écoles et des prisons dans le Dakota du Sud qui ont censuré Beavis and Butthead et tous les vêtements qui avaient rapport avec l'émission. Marlon Brando écoutait l'émission. Selon Mike Judge, Johnny Depp lui a dit que Depp et Marlon Brando imitaient Beavis and Butthead souvent. Depp jouait Beavis et Brando jouait Butthead. Donc c'était quand les deux travaillaient ensemble dans le film de 1994 Don Juan de Marco. Il y a aussi le créateur de dessin animé Matt Groening, qui est un fan. Le créateur des Simpsons disait aimer l'émission parce que ça empêchait le blâme d'être mis complètement sur Bart Simpson pour la fin de la civilisation. Ils ont pris leur petite part aussi avec Beavis and Butthead. David Letterman était la voix du Roadie qui aidait Motley Crue, celui qui pourrait peut-être être le père de Butthead dans le film, Beavis and Butthead Do America. Donc David Letterman qui a été crédité sous le nom de Earl Offert, qui est en fait le nom de l'oncle de David Letterman. Letterman qui était fan de l'émission. Et puis il a invité les deux personnages à son late show en 96 pour faire la promotion de leur film. Beavis a presque dit en fait quelque chose de trop intelligent. On dit que c'était en 1993, Judge a dit au New York Times qu'un des grands défis de l'émission était de garder les deux personnages le plus stupides possible. Une réplique originale demandait à Beavis de dire à ses collègues de classe qu'ils avaient l'envie de Beavis, donc Beavis Envy, parce qu'il avait reçu un school pass, donc pour lui permettre de passer, je sais même pas comment tu pourrais dire ça, passer à un autre niveau. Ça a été coupé parce que ça faisait que le garçon de 14 ans avait l'air trop intelligent, donc passer à l'année suivante, si on veut. Mm-hmm. En 2011, Judge a admis que le trichage Judge a admis avoir triché. Voilà. Et il les a rendus plus intelligents qu'ils l'étaient vraiment pendant les commentaires lors de diffusion de vidéoclips. Voilà. Daria, le dessin animé Daria a été créé avec l'humoriste Janine Garofalo en tête. Tu la connais peut-être pour certains films américains. Donc le personnage de Daria qui vient en fait de Beavis and Butthead a été créé après que la présidente de MTV, Judy McGrath, a exprimé son souci par rapport au manque de femmes et de personnes intelligentes dans l'émission. Ah? Ouais. Donc Garofalo est le personnage de Sarah Gilbert dans la sitcom Roseanne aux États-Unis. A été les modèles pour Daria Morgendorfer. Morgendorfer d'ailleurs qui était le nom de jeune fille de la mère de David Felton qui est un des écrivains pour l'émission. On trouvait que c'était parfait pour le nouveau personnage. Ça a du succès parce qu'après ça, ben, elle a eu sa propre série. Hein. Mm-hmm. Mm-hmm. Ensuite de ça, allons-y avec Beavis and Butthead qui ont été sur la couverture de Rolling Stone Magazine trois fois. Okay. Ouais, leur première apparition était en 93. Ça a été le numéro le plus vendu de cette année-là. Quand même. Les deux ont été vedettes de leur propre émission spéciale de l'Action de grâce. Mm-hmm. C'était la soirée en fait de leur première finale de série, donc avant que ça revienne en 2011. Ça s'appelait cet épisode-là Beavis and Butthead Are Dead. Et puis MTV a mis Beavis and Butthead en charge de la diffusion de leur parade du Thanksgiving dans leur histoire, bien sûr. Et ensuite, ils ont mis à la table avec un animateur de MTV News. C'est une émission spéciale d'une heure qui a été diffusée seulement une fois à la télé. L'émission s'est terminée à cause d'un manque de créativité. C'était en 97, vers la fin de la première diffusion de l'émission, où Judge commençait à manquer d'idées. Il dit qu'il aurait voulu arrêter un petit peu plus tôt. C'est ce qu'il a dit au Los Angeles Times. Ils ont fait plus de 200 épisodes depuis 1993 et après la deuxième saison, il se disait « Comment est-ce que je vais faire pour continuer ça? » Il était complètement brûlé. Il y a eu comme un deuxième vent d'inspiration dans la saison 3 et un autre à la saison 5. Mais il se disait « Fais ça le plus rapidement possible, mets ça en ondes aussi vite que possible. Ne prends pas de pause après ça, Colin t'arrêtera une fois que tu seras complètement, complètement brûlé. » Ben là, mon Dieu! Et finalement, Kanye West voulait être dans l'émission. Ouais, Judge et son équipe ont eu l'autorisation. En fait, demandaient l'autorisation, ils les ont eu de tout le monde dans les vidéoclips qui devaient apparaître dans Beavis and Butthead lorsqu'ils sont revenus en 2011. Kanye West voulait avoir un de ses vidéoclips en vedette dans l'émission, mais un autre... un petit peu. Il y a toujours une phrase qui m'énerve ici. Un autre auteur crédité sur cette pièce-là a refusé. A refusé. Voilà. Un autre auteur de la pièce. Kanye West voulait le faire, mais un autre auteur a dit non. Et que veux-tu? Il fallait que tout le monde soit d'accord. Voilà. C'est tout pour cette portion de son foutu palmarès sur Beavis and Butthead. On écoute The Garys, nouvelle entrée du palmarès anglophone. Voici Make Out at the Drive-In. Assemblage requis. We'll be right back. The Garys avec Make Out at the Drive-In. Maintenant, on continue avec son foutu palmarès. On était en train de parler de Beavis and Butthead tantôt. Bon, maintenant, on va y aller plus au sens large, avec des raisons, des avantages qu'on pourrait avoir à rire dans la vie. OK. On dit que rire, c'est le meilleur médicament. Hein? Bon, en fin de compte, il y a une petite vérité scientifique derrière tout ça. Ça a plusieurs avantages pour la santé. Commençons par le fait que le rire, en fait, c'est un signe, ben, évidemment, de gentillesse, de sociabilité. Hein? On dit que le rire est probablement unique aux humains, mais selon une étude de 2010, BMC Complementary and Alternative Medicine publiait que le rire et le sourire, en fait, sont des messages de sociabilité. Les auteurs extrapolent que c'est une fonction similaire à celle des primates qui utilisent leurs expressions faciales avec leurs dents bien montrées pour suggérer qu'ils sont amis avec toi. Hein? Certaines formes de sourire sont volontaires et facilement, trafiquées, donc faire semblant de rire. Le rire, lui, faire semblant de sourire, pardon, mais rire, ça, c'est une contraction des muscles du visage. Donc, ce serait vraiment quelque chose de plus naturel, de plus vrai, voilà, qui envoie un message d'approchabilité chez les autres. Ça pourrait réduire la pression sanguine. L'hypertension, donc un des effets secondaires les plus dangereux du stress, est un grand facteur de risque pour les maladies du cœur, entre autres, les attaques cardiaques. Donc, c'est difficile d'être stressé lorsqu'on rit, nous dit-on. Et les chercheurs ont enquêté à savoir si le rire pouvait faire descendre la pression sanguine. Il y a plus qu'une étude qu'une réduction de la pression sanguine peut avoir lieu après avoir ri. Une étude de 2017 dans le Journal of Dental and Medical Research nous parlait de 40 patients qui faisaient de l'hémodialyse. Ils ont écouté des CD d'humoristes pendant 16 sessions de 30 minutes pendant 8 semaines et on a vu la pression sanguine descendre. Pas pire quand même. Ce qui a mené à un traitement qu'on appelle aujourd'hui le laughter yoga, donc le yoga du rire. Donc, les avantages sur la pression sanguine et d'autres trucs comme ça ont mené à ce traitement unique. C'est Madan Kataria, fondatrice de la Laughter Yoga School, qui a dit qu'on n'a pas besoin de blagues, d'humour ou de comédie. On n'a même pas besoin d'être heureux. Tout ce qu'on a besoin, c'est de rire en groupe, initier le rire comme exercice, avoir un contact visuel avec les autres et le rire va devenir réel et contagieux. Le rire peut réduire l'anxiété et d'autres émotions négatives. C'est une étude de 1990 dans Psychological Reports qui regardait donc les effets du rire pour traiter l'angoisse ou l'anxiété. Les chercheurs ont reçu 53 étudiants universitaires et leur ont fait croire qu'ils allaient recevoir un choc électrique après chaque période d'attente. Mon Dieu! C'est violent. Agressé. Les sujets dans le groupe d'expérience ont écouté une cassette humoristique pendant qu'ils attendaient leur choc. Le groupe placebo, lui, écoutait une cassette non humoristique et le groupe contrôle n'écoutait pas du tout de cassette. Le groupe avec de l'humour disait que leur anxiété descendait pendant la période d'anticipation et ceux qui avaient qui disaient avoir le plus grand sens de l'humour avaient le moins d'anxiété dans le groupe. Pas mal, hein? D'ailleurs, la thérapie par le rire qui a amélioré l'anxiété et l'angoisse chez les patients avec la maladie de Parkinson, ça a aussi réduit l'anxiété et la dépression chez les étudiants infirmiers et infirmières. Ça a augmenté l'optimisme, l'estime de soi et la dépression chez les femmes en ménopause. Le rire pourrait aider ton système immunitaire. D'accord. Au début de la saison de la grippe et du rhume, ça pourrait être une bonne idée de se pratiquer à rire. Plusieurs études nous montrent ça, dont une étude en 2015 sur les femmes postpartum, après avoir accouché. Dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine, les chercheurs ont testé le lait maternel qui a été expulsé par la main, donc pas avec un truc pour faire sortir le lait, comment on appelle ça? On avait de l'affaire pour faire sortir le lait, en tout cas, cette affaire. Bref, on a testé l'immunoglobine avant et après la thérapie du rire, et deux fois par semaine, les participants participaient à une routine de danse de rire et quelques massages des seins. Tout en faisant rire la personne, les mères qui avaient participé dans cette thérapie du rire avaient une petite augmentation de leur immunoglobine, l'IGA qu'on appelle. Ça, c'est les anticorps qui jouent un rôle important dans les fonctions immunitaires. Intéressant. Le rire pourrait aussi être un antidépresseur naturel. Évidemment, personne ne recommanderait de se faire prescrire ça, mais quand même, les patients dans des hôpitaux ou en session de garde à long terme qui souffraient de dépression et de manque de sommeil, dans une étude de 2017 dans le Korean Journal of Adult Nursing, on a testé les effets de la thérapie du rire sur 42 résidents à long terme dans les hôpitaux et les résultats ont été prometteurs. La thérapie par le rire que les patients ont pris pendant 8 sessions, 40 minutes deux fois par semaine, dont chanter des chansons drôles, rire pour le plaisir, s'étirer, jouer avec ses mains, des routines de danse, des exercices de rire, l'applaudissement pour la santé, healthy clapping, et rire à voix haute. Les résultats montraient moins de dépression et une amélioration de leur humeur. Un meilleur sommeil aussi dans le groupe qui a vécu l'expérience comparé à un groupe contrôle qui n'a pas fait ça. Une autre étude de 2015 dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine nous apprenait que 3 sessions de thérapie par le rire de 60 minutes amélioraient la dépression et l'humeur négative chez les patients atteints d'un cancer. Ensuite, tu respires mieux après avoir ri. Ah ben oui. Apparemment que ça peut aider, donc ça augmente ton battement cardiaque, ton taux de respiration et ta consommation d'oxygène, ce qui est similaire à ce qu'on a après de l'exercice. Donc l'exercice et le rire, même combat. Une étude de 2009 dans International Journal of Humor Research nous apprenait que ces changements-là peuvent durer aussi longtemps, vont durer seulement aussi longtemps que le rire lui-même. Donc si tu ris pendant 30 minutes à 1 heure, ce serait assez, mais sinon c'est pas assez pour dire que tu t'es entraîné. Ouais. Le rire est une bonne chose pour ton système cardiovasculaire. Mmh. Ouais, tes poumons ne sont pas les seuls organes qui peuvent bénéficier d'un beau grand rire. Une étude de 2009 dans Medical Hypotheses nous apprenait les avantages pour le système cardiovasculaire et le cœur. Donc les participants à l'étude ont regardé une comédie comme Saturday Night Live où la séquence d'ouverture vraiment déprimante de Saving Private Ryan qui augmente le stress mental dans le cas de Saving Private Ryan. Ils ont utilisé une technique nommée Brachial Artery Reactivity Testing, donc un test de réactivité aux artères, etc. etc. Donc c'est une sorte d'ultrason qui regarde les artères, et les participants qui regardaient le film stressant ont vécu une réduction de 35% dans leur vasodilatation, le FMD qu'on appelle, ce qui est un facteur de risque pour l'athérosclérose. Pendant ce temps-là, le groupe qui a regardé une scène drôle a vu une augmentation de 22% dans le FMD comparable à de l'exercice. Donc, rire aidait leur sang à mieux passer. Voilà. Ah. L'American Heart Association recommande de rire pour avoir un cœur en santé, ajoutant que la recherche dit que ça réduit l'inflammation des artères et augmente la production de HDL, ce qui est le bon cholestérol. Le rire peut calmer les hormones du stress aussi. Donc, l'humour et le rire stimulent une multitude de systèmes physiologiques et fait descendre le stress, les hormones de stress comme le cortisol et l'épinéphrine, et augmente l'activation du système de récompense dans le cerveau, selon une étude de 2017 dans Advances in Physiology Education. Une étude de 2003 dans Alternative Therapies in Health and Medicine nous apprenait que voir un clip drôle, par exemple sur Internet, faisait descendre une variété d'hormones de stress. Le rire social peut soulager la douleur dans ce cas-ci. Mm-hmm. Ça peut être un bon analgésique pour la douleur, quelque chose que les physiciens ont l'air de comprendre, en tout cas ceux dans l'histoire, dans le passé. Au 14e siècle, le chirurgien français Henri de Mondeville utilisait l'humour pour distraire ses patients de la douleur de la chirurgie et les aider à s'en remettre par après. Évidemment, on pense au Patch Adams, c'est quoi, Robin Williams dans son film de clown, médecin clown. Ah, ouais. Ouais. La recherche plus moderne nous apprend que les participants qui ont regardé des vidéos de comédie avaient besoin de moins de médication pour la douleur que ceux qui regardaient une vidéo de contrôle, donc plus dramatique. Dans une étude de 2011 publiée dans Proceedings of the Royal Society, pendant 6 expériences en utilisant des froids extrêmes comme mesure de la tolérance à la douleur, les chercheurs ont trouvé que le rire social, donc du rire qu'on fait en groupe dans un contexte social, élève ta tolérance. Donc ça va faire que tu vas être plus tolérant plus longtemps. C'est ce que les auteurs suggèrent, que ça pourrait être expliqué par l'action des endorphines qui sont relâchées lorsque tu ris. Et pour terminer, rire, ça brûle les calories. Ah. Si tout ça n'est pas assez, une étude de 2014 dans International Journal of Obesity nous apprend que le rire peut brûler des calories. Les chercheurs ont eu des groupes de 45 participants séparés en 2 groupes. La moitié regardait des clips de films qui étaient supposés faire rire pendant environ 10 minutes. Et la moitié regardait des clips qui n'avaient pas de chance de te faire rire encore une fois. Les deux groupes étaient attachés à un calorimètre qui mesurait la dépense d'énergie et le battement de cœur. Ils ont déterminé que ceux qui riaient pendant leur visionnement brûlaient jusqu'à 10 calories en 10 minutes comparé à ceux qui ne riaient pas et qui ne brûlaient pas de calories du tout. Eh ben, hein? Voilà pour un petit bloc sur le rire dans son foutu palmarès. Il n'y avait rien de drôle là-dedans, par contre. Non, en effet. C'est une blague à chaque paragraphe. Ça a été cool. voilà, donc les notes de l'émission numéro 1, 2, 3, 5. Pour le lien vers ces articles-là, on prend une pause au retour. Ce sera à ton tour, mm-hmm. Tania. Est-ce que c'est un petit peu de joke dedans? Pas de rire, pas toi non plus? On verra. On verra. On va trouver quelque chose. Ouais. Restez là. Aujourd'hui. aujourd'hui pour toi, aujourd'hui. How it feels when Alaska avec How It Feels, précédé de Mara Tremblay avec Mon Chéri. Mathieu, avant qu'on saute dans d'autres sujets, c'est quand même assez important de le savoir. Donc, à 7h11 ce matin, le 16 avril 2018, l'Université du Québec à Trois-Rivières, en raison des conditions météorologiques imprévisibles et dangereuses, l'ensemble des activités sont suspendues pour la journée. Un communiqué sera émis en début d'après-midi afin de mettre à jour la situation. Ben, on est trop bien cave d'être là! Veux-tu bien me dire? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qu'on fait ici? Toutes les activités de la journée, donc tout ce qui a lieu sur le campus. Tout ce qu'il y a sur le campus. Ben, voyons donc. Pourquoi on est ici? OK, bon ben Colin, hein, on va finir ça le plus rapidement possible. Ben oui, tout à fait, exactement. Merci d'avoir été avec nous, à demain, non. Mais, si seulement. Maintenant c'est Tania, on va être payé pareil. Maintenant c'est Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école, et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna dream. She's gonna dream. Aujourd'hui, alors, j'ai l'impression qu'on parle de moi dans ta chronique. On parle des gens qui se couchent tard. Apparemment, Mathieu, oui. Et qui se lève tôt. On parle des gens qui se couchent tard, mais on parle aussi de ce que je viens de dire, qui serait en fait un canular. Non. Oh oui. Arrête donc. Apparemment, les agents de sécurité ne sont pas au courant, alors c'est faux. OK, donc, t'es en train de me dire que ce que tu viens tout juste de dire sur la fermeture de l'UQTR, c'est ouais. Une blague? Exactement, ça serait une blague, en fait, donc... Désinformation, Tania, ceux qui ont fermé leur radio avant... Comme je vous disais tout à l'heure, allez directement dans vos courriels de l'université. Vous allez avoir si, par exemple, vos profs ont mis fin à vos cours pour la journée. Parce que, bon, on est en période d'examen, hein, quand même, c'est assez difficile de pouvoir fermer une université comme ça. Sinon, appelez directement. Au service et qui vont avoir mal au bras. Ils vont avoir mal au bras à la fin de la journée. Exactement. Faites ça parce que ça semble beaucoup trop difficile à pouvoir juger selon les dires sur Facebook. Donc, croyez pas Tania, croyez pas c'est fou. Hein? Ouais, c'est ça. Venez à l'université, finalement. C'est ça. Venez vous planter à l'université. Oui, venez vous casser le bras. L'université, c'est pas responsable de ça. Exactement. On parle des gens qui se couchent tard, oui. Mathieu. Parce que, bon, il y a des oiseaux de nuit qui se couchent quand même assez tard. On a de la difficulté à sortir du lit le matin. Je pense, entre autres, à ma mère. Ma mère est comme ça. Elle a toujours été un oiseau de nuit et elle est capable de dormir vraiment très, très tard. Il faut comprendre que ces gens-là ont un risque de mortalité beaucoup plus élevé que les gens qui vont se coucher tôt. En même temps, le risque de mortalité est de 100%, je te dirais, pour l'être humain. Ça, on le sait, Mathieu. Merci. Mais on parle de la différence entre ceux qui aiment se coucher tard et ceux qui aiment se coucher tôt et se lever un petit peu en même temps que le soleil, selon une étude qui a été publiée jeudi dernier. Donc, l'étude a porté sur près d'un demi-million d'habitants du Royaume-Uni qui étaient âgés entre 38 et 73 ans. Donc, on montre les couches tard avec un risque de décès. Et là, on parle de toute cause confondu de 10% plus élevé que les gens qui se couchent quand même assez tôt sur une période étudiée, attention, en 6 ans et demi. Donc, c'est une bonne étude. On a un bon laps de temps là, pour voir justement les différences entre les deux types de personnalités. Et il y a des études antérieures qui avaient bien évidemment souligné que le taux le plus élevé de maladies cardiovasculaires, les pathologies métaboliques comme par exemple le diabète, ça allait aussi arriver aux gens qui se couchent un peu plus tard. Mais cette étude-là, c'est vraiment la première à pouvoir explorer le risque de mortalité. Cela a été fait en collaboration avec l'Université de Surrey et l'étude a été réalisée à partir d'une base de données qui était publique, qui est parue dans le journal spécialisé Chronobiology International. Et les participants se sont définis comme, par exemple, une personne du matin ou encore... plus du matin que du soir ou plus du soir que du matin et vraiment une personne du soir. Donc, le pourcentage de ces gens-là, eh bien, autour... Autour des personnes, pour une personne du matin, là, on retrouvait 27 % des gens de l'étude qui se retrouvaient dans cette catégorie. Par la suite, plus du matin que du soir, on retrouvait 35 % de l'étude. Et par la suite, plus du soir que du matin, 28. Et là, les grands oiseaux de nuit étaient représentés seulement par 9 % de cette batch de personnes-là. Donc, un peu plus de 10 500 décès au total, dont 2127 ont été relevés sur la période de 6 ans et demi avec les gens qui faisaient partie de cette étude. C'est un problème de santé quand même assez public. On ne peut pas nécessairement l'ignorer. Il y a plusieurs professeurs de chronobiologie justement qui étaient en lien avec l'Université de Surrey qui ont réussi à estimer la chose. Entre autres, M. Malcolm von Schantz qui était un professeur qui était attitré à cette étude-là. Et selon lui, les gens qui se couchent tard devraient pouvoir bénéficier d'une plus grande flexibilité d'horaire de travail pour commencer, mais aussi pour finir plus tard. Parce que ça peut-être réhabiliterait un petit peu le mode de vie qu'on peut avoir si on est vraiment là, des oiseaux de nuit. Donc, ceux qui tentent de vivre dans un monde du matin peuvent quand même subir certaines conséquences sur la santé. C'est pas vous êtes des êtres incroyables parce que vous vivez tôt, là, pensez pas ça. Maudite gang de prétentieux. Exactement. Mais ça se pourrait que les personnes qui se couchent tard, donc les oiseaux de nuit, aient une horloge biologique interne qui correspond pas nécessairement à l'environnement externe autour d'eux. Et c'est ça qui fait en sorte que c'est un petit peu plus difficile de pouvoir se lever. On avait quand même des variétés de comportements mauvais pour la santé chez ces personnes-là. Par exemple, le manque d'exercice, pas dormir suffisamment. Et les gens qui sont des couche-tards ont plus tendance à souffrir de troubles psychologiques, de diabète, de troubles neurologiques, des troubles aussi gastro-intestinaux et des troubles respiratoires. Donc, ils sont également davantage tendance à être portés à fumer, être porté à boire de l'alcool ou encore consommer beaucoup de caféine. Mmh. Et ben oui, il faut y penser. Bon mix. Donc, oui, tout à fait, ça fait un beau cocktail, tout ça. Le passage à l'ère d'été, ça coïncide d'ailleurs avec une incidence qui est beaucoup plus grande sur les crises cardiaques, on en avait déjà discuté. C'est moins bien supporté par les couches tard. Donc, si vous êtes une personne qui se couche quand même déjà tard, qui a tendance à se lever quand même tard, et vous sentez probablement déjà plus le changement d'heure que les personnes qui se lèvent tôt et qui se couchent tôt, tout simplement parce que votre corps a une horloge interne qui est beaucoup plus sensible à tout ça. Et ça, bon, c'est sûr et certain que ça fait lever certaines personnes du monde de la santé. On suggère d'envisager certaines surveillances à ce niveau-là pour les personnes qui se couchent quand même assez tard. Et là, on parlait de troubles neurologiques. Eh bien, sachez que vous êtes sensible beaucoup plus à l'Alzheimer que certaines personnes qui se couchent tôt. Comme si on n'avait pas déjà assez de motifs là, d'inquiétude à cause des tendances à écourter nos nuits. Eh bien, on en ajoute un autre par-dessus tout ça, eh bien, c'est l'Alzheimer. Parce qu'il y a une équipe américaine de la National Academy of Science qui a justement mesuré une augmentation des plaques de la protéine bêta-amyloïde dans le cerveau. Donc, on le dit, là, c'est une protéine qui circule à l'intérieur de notre cerveau seulement après une mauvaise nuit. Là, on parle pas nécessairement des gens qui se couchent très tard, mais on parle de ceux qui vont moins bien dormir un petit peu. Donc, le rôle exact de la protéine, c'est de susciter beaucoup de débats. Ça a suscité, en fait, beaucoup de débats à travers les neurologues, les différents neurologues mondiaux, parce qu'on s'entend pour dire que sa présence est liée aux pertes cognitives, donc la mémoire, la perte d'attention, les problèmes d'orientation, qui sont bien évidemment souvent très fortement reliés aux symptômes de l'Alzheimer, on va se le dire. Donc, c'est une nouvelle recherche qui porte sur 20 volontaires seulement pour le moment, chez qui la présence de la protéine a été mesurée au niveau quand même microscopique. Les participants ont été privés de sommeil pendant une nuit. Donc, si vous êtes du style à faire des nuits blanches, là, quand même, assez souvent, bien, faites attention. Soyez attentifs à ce que je vais dire dans les prochaines minutes. Donc, les participants ont été privés de sommeil pendant une nuit pour justement comparer avec quelqu'un qui passe une nuit dite normale. La raison de la recherche préliminaire, c'est qu'une pauvre qualité de sommeil, ça fait partie quand même des suspects depuis plusieurs années pour la maladie d'Alzheimer, mais on n'était jamais nécessairement capable de pouvoir prouver quoi que ce soit avec ça. Il y a des recherches sur l'Alzheimer qui ont souvent pointé du doigt des patients qui avaient déjà rapporté qu'ils éprouvaient quelques problèmes à dormir. Et ça pourrait signifier que le manque de sommeil, bien, ça serait un symptôme de cette maladie-là, ou bien que la maladie contribue à des pertes de sommeil. Donc, si on a quand même un début d'Alzheimer, on pourrait peut-être avoir plus de sensibilité à pouvoir avoir une bonne nuit de sommeil. Et bien évidemment, là, par la suite, vient rentrer en ligne de compte cette fameuse protéine qui se sécrète à l'intérieur du cerveau. Lorsqu'on a des pertes cognitives, ça pourrait donner un autre bon indice, en fait, dès le départ, là, si on commence à avoir quelques symptômes, on n'est pas trop certain, eh bien, on pourrait aller essayer de voir si cette protéine-là est à l'intérieur de notre cerveau à ce moment-là, si on a justement des pertes de sommeil qui sont quand même assez importantes. Et ça pourrait peut-être aider certaines personnes à pouvoir déceler la maladie d'Alzheimer beaucoup plus rapidement chez certains patients. Bonne chose. Oui, bonne chose. Donc, faites attention à vos nuits, mesdames, messieurs. Soit couchez-vous plus tôt. Donc, essayez de rétablir peut-être un petit peu votre horloge interne, parce que si ça fait déjà quand même plusieurs et plusieurs années que vous vous couchez quand même assez tard, eh bien, vous avez probablement une sensibilité à tout ça, à devoir le rétablir. Si on essaie fortement de rétablir son cycle de sommeil, eh bien là, déjà en partant, vous allez mieux vous sentir. Mais c'est sûr et certain que si votre horloge biologique intérieure vous dit que tout le temps de vous coucher tard et de vous lever tard, il n'y a pas grand-chose à pouvoir faire. Faites peut-être un petit peu plus d'exercice durant la journée. Faites attention à ce que vous mangez aussi, parce qu'on a parlé des maladies cardiovasculaires qui sont souvent beaucoup plus reliées à ce type de personnes-là. Donc, encore une fois, faites attention à vos nuits. Et si vous avez des nuits qui sont écourtées, bien, essayez d'optimiser votre sommeil. Et voilà. Bien dit, ça. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Tania is gonna entertain. On a parlé de dormir, et ça, on fait ça quand il fait noir. Donc, on écoute This Wild Darkness de Moby. Assemblage requis. Madness and season, bracing all like a breaking of reason, with every night lost and every day torn, the drama feeling calmer, so calmer in the storm. Speakers are crying like a forest in the rain. I was so alone with my thoughts and my pain, and the darkness closed like a mouth on a wild night. I'll never be free. Ooh, in this darkness, please light my way. Toby et la pièce This Wild Darkness. Oh oui. Autour de la pause, Antoine Lapointe Ricard va être avec nous pour parler de plein air. On sait pas trop de quoi, mais ça va être ça. Au retour. Aujourd'hui. Classique. Quand tu joues avec moi, je perds la logique. Je confesse que ma passion pour toi est mythique. Notre amour, je crois, bientôt sera physique. N'importe quand pour toi. N'importe quand pour toi. Yeah.

aujourd'hui. Aujourd'hui. I wanna know I like you. I wanna

Fanny Bloom et Liqueur qu'on dédie, bien sûr, à notre Poppers Watermelon Ice Extra Premium All Natural. On a quand même rebu. Oui, c'est ça. Ben c'est ça, ça reste quand on est le matin puis on est à la job, fait que faut bien que faut bien qu'on soulage notre stress d'une façon ou d'une autre. Maintenant, c'est Tania sans boire d'alcool sur nos heures de bureau. Oui, exactement, c'est ça, on fait pas ça. On l'a fait en onde, comment est-ce qu'on peut se en tout cas. Mais on le fait en onde pour la chronique, pour la chronique là, c'est terminé ce temps-là. C'était du sacrifice. C'est ça exactement, il y en a plus. C'est fini. Fini. Et maintenant, c'est Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna dream. Tania, on parle de bénévolat. Oui. C'est altruiste au bout de ça. Ben, on parle de bénévolat en fait parce que il faut comprendre qu'il y a comme un certain déclin au niveau du bénévolat au Québec et au Canada depuis quelques années, mais aussi les clubs sociaux. Puis on s'entend que de faire partie d'un club social, souvent, ça entre dans la catégorie bénévolat. Mmh. Donc on est un petit peu en perte de vitesse. Ceux qui étaient fusionnés au Canada dans les années 60-70, eh bien on connaît quand même un fort ralentissement là, depuis les dernières années. Il y a plusieurs qui peinent en fait à combler les départs de certains membres. On a de la difficulté à trouver des membres pour justement, par exemple, siéger sur les conseils d'administration, les conseils organisateurs. Il y a des clubs qui existent depuis quand même plus de 100 ans qui pourraient ne pas survivre jusqu'en 2030. Donc, c'est un petit peu alarmant considérant le fait que lorsqu'on décide de faire du bénévolat, on donne de notre propre temps sans rémunération. C'est vraiment la gratification de pouvoir aider des gens, que ce soit du côté de l'aide ou que ce soit dans n'importe quelle sphère, parce qu'on s'entend qu'il y a des clubs sociaux, puis il y a des organismes de bénévolat dans pas mal toutes sphères. C'est quand même gros. Par exemple, si on prend certains clubs sociaux, il y a 25 ans, il y avait environ 120 000 membres à travers le Québec pour certains organismes. Dans les dernières années, on est à la baisse. On est environ à 90 000 membres. C'est quand même un bon chiffre. Mais par contre, on voit qu'il y a une très grande marge qui descend. En fait, pourquoi? Qu'est-ce qui explique le fait que les clubs sociaux, le bénévolat, ça perd un petit peu en popularité, exactement. Eh bien, on est à l'ère de l'individualisme. Hein? C'est des clubs qui ont perdu un peu de leur substance. Auparavant, les gens se réunissaient pour socialiser, pour faire du réseautage un petit peu, ou encore entretenir là, le réseau professionnel. Donc, il y avait une fonction quand même assez puissante à ces fameux clubs sociaux-là, ou encore aux organismes de bénévolat. Dans le sens que tu donnais beaucoup, mais tu recevais un petit peu aussi. Exactement, tu recevais aussi. Mais aujourd'hui, on est à l'ère de l'individualisme. Donc, c'est des clubs qui ont été vidés de leur sens premier. On ne vit plus dans les mêmes villes, on se déplace tout le temps, on a Internet aussi, donc on peut socialiser dans des clubs qui sont virtuels, qui sont composés de gens qui nous ressemblent peut-être un petit peu plus au niveau de certaines valeurs, au niveau des sphères qui nous intéressent et qui se trouvent surtout partout sur la planète. Donc aujourd'hui, par exemple, un couple avec deux enfants, bien, les deux vont travailler, les deux vont courir à gauche puis à droite et à la fin de la journée, bien, on va mettre la tête sur l'oreiller. Leur vie professionnelle, ça permet pas, et leur vie personnelle aussi ne leur permet plus en fait de s'impliquer autant dans le bénévolat, chose qu'on avait un petit peu auparavant. Par la suite, il y a le renouvellement. Il y a certains clubs qui parviennent malgré tout à survivre et même dans certains cas à augmenter le nombre de leurs membres. La clé en fait, c'est les activités qu'on va organiser avec tout ça. S'il n'y a pas nécessairement d'activités au sein de notre club social ou de notre groupe de bénévolat, eh bien à ce moment-là, les gens voient qu'il y a peut-être un intérêt qui est moins grand parce qu'on se rend compte plus. Les gens voient ce qu'on fait. Parfois, ils viennent pour dire que, justement, ils veulent se joindre à un certain groupe. Et si on prend l'exemple, par exemple, du club Lion de Deux-Montagnes, c'est un club, un organisme social qui compte une grande proportion de membres anglophones. Et on tente d'attirer des membres qui sont francophones. Donc, il y a certains des membres qui sont réticents à parler français. Certains francophones sont devenus membres, mais ils sont repartis pour cette raison-là aussi, parce qu'on essaie de modifier certaines réalités. Donc, souvent, il y a trop de chefs, pas suffisamment d'Indiens, comme on dit. Le truc, en fait, c'est d'être visible, de donner un rôle à des nouveaux membres pour qu'on se sente valorisé. C'est un petit peu pour ça aussi que certaines personnes vont faire du bénévolat. C'est de, justement, arriver à avoir un titre quelconque au sein d'un organisme. Et pour plusieurs observateurs, bien, il y a des clubs sociaux qui vont survivre, qui sont associés à des causes quand même assez précises, à des religions ou encore à un groupe précis, comme des gens d'affaires, par exemple. Donc, il faut trouver de nouvelles façons de se faire voir un petit peu tout le temps, de se faire connaître. Et 9 fois sur 10, bien, c'est aussi du bouche à oreille. Hein? Donc, s'il n'y a plus nécessairement de renouvellement de nos membres, bien, ça veut dire qu'il n'y a plus de renouvellement de ce bouche à oreille-là non plus. On va chercher beaucoup moins de monde. Donc, il arrive qu'il y ait des gens qui veulent faire du bénévolat dans le cadre, par exemple, du temps des fêtes. Là, on va essayer beaucoup de joindre un organisme, mais par la suite, ça va s'estomper. Donc, le renouvellement de ces membres-là ne se fera pas à l'année. Ça va se faire vraiment très précisément à certaines situations de l'année. Par la suite, les jeunes membres. Malgré tout, il y a certains clubs sociaux, il y a certains organismes qui parviennent quand même à attirer de jeunes membres. Par exemple, je me prends comme exemple. Ouais. J'ai commencé à faire du bénévolat très, très jeune parce que mon père faisait du bénévolat, ouais. Ma mère faisait du bénévolat, ma famille était très impliquée au niveau du bénévolat, mais c'est plus nécessairement une valeur qui est transmise. Donc, à ce niveau-là, on doit un petit peu modifier notre façon d'aller chercher des gens au sein des organismes, au sein des clubs sociaux, pour attirer cette jeune clientèle-là, les jeunes membres, leur faire comprendre que pour attirer des membres plus jeunes, il faudrait, par exemple, changer certaines mentalités des membres plus âgés. Parce que si on siège sur un CA avec des membres qui sont beaucoup plus âgés que nous, à un certain moment, ça peut clasher. Il peut y avoir certaines divergences d'opinion qui vont faire en sorte que ce ne sera pas nécessairement plaisant. Donc, la moyenne d'âge environ sur un conseil d'administration ou au sein d'un organisme de bénévolat, c'est d'environ 55 ans. Donc, l'ancienne façon de faire, c'était peut-être un peu révolu. Dans la vie d'aujourd'hui, c'est quand même assez difficile d'attirer des jeunes si on leur demande 5, 10 ou encore 20 heures de bénévolat par semaine. Donc, il faut essayer de trouver une bonne façon d'attirer plus de jeunes et ça serait aussi de leur permettre de faire du bénévolat sans nécessairement devenir des membres de façon aussi formelle qu'on l'entendait par le passé parce qu'à un certain moment, dans un organisme, si tu deviens membre à part entière, bien, parfois, tu peux devoir déverser certains montants. Tu dois débourser quelques montants pour devenir un membre, par exemple, d'un conseil d'administration pour que, justement, ça fonctionne bien. Mais là, je me suis aussi posé la question, pourquoi faire du bénévolat? Ouais. Tu sais, moi, j'ai toujours baigné là-dedans. L'idée... Bénévolat. Bénévolat. L'idée de savoir pourquoi est-ce que je fais du bénévolat, bon, c'est clair pour moi. Est-ce que c'est clair pour les autres autour? Peut-être pas, parce que je vois cette grande différence-là aussi de faire du bénévolat et de pas le faire. Donc, le premier, en fait, c'est qu'il y a un rythme de vie quand même assez sain lorsque tu fais du bénévolat. Peut-être est-ce que vous avez déjà ressenti le regret d'une journée qui avait été gaspillée ou le regret d'une journée où vous n'avez absolument rien fait, bien, c'est correct de se reposer, là, c'est correct de faire du Netflix and chill, d'abuser du repos, mais à un certain moment, tu te tannes. Et justement, en devenant bénévole, on se dit que c'est peut-être une bonne raison de se lever à un certain moment dans une journée quelconque, le matin, de faire quelque chose de sa journée, quelque chose de bien en plus, tout dépendant de la sphère dans laquelle on veut faire du bénévolat. Ça procure un rythme de vie qui est assez sain, donc on va aller chercher une volonté qui va être simple. On n'arrive pas toujours à suivre l'horaire qui est établi. Par contre, lorsqu'on fait du bénévolat, souvent, si on demande à la personne qui va faire du bénévolat combien de temps est-ce que tu peux donner cette journée-là, combien de temps est-ce que tu peux donner par semaine, et à ce moment-là, bien, les engagements qu'on va prendre auprès des gens qu'on aide et auprès de l'organisme qu'on va aider, pour lequel on va offrir nos services, vont nous permettre aussi de mener un train de vie qui va être énergique et qui va faire en sorte que le reste de notre journée va être beaucoup plus productif. Par la suite, on va rencontrer du bon monde, ben oui, en faisant du bénévolat. On offre que nos services en tant que bénévole, on va rencontrer un tas de nouvelles personnes. Ça va enrichir notre vie, surtout si vous faites du bénévolat. En tout cas, ça, c'est mon opinion personnelle, mais au niveau des personnes âgées. Parce qu'ils ont une sagesse incroyable et c'est hors de question souvent qu'une personne âgée ait tort. Elle a passé par les étapes de ta vie avant que tu y passes. Donc, écoute-la. Ça fait grandir, en fait, nos services. cercle d'amis de faire du bénévolat, nos cercles de connaissances aussi. On n'en a jamais vraiment trop. On n'a jamais trop de connaissances. On va également faire la rencontre de gens qui vont nous offrir de leur temps, de leur connaissance, de leur gentillesse, mais non seulement à nous, mais à la société aussi. Donc, en gros, on va rencontrer des bonnes personnes. C'est rare que les gens qui sont pas de bonnes personnes vont faire du bénévolat. Le genre de gens que vous voulez autour de vous afin de devenir justement un citoyen qui va être accompli, bien, ça va un petit peu ressortir au sein de cet organisme-là que vous allez joindre. Et outre les bénévoles, les responsables de l'organisme où vous allez offrir vos services, vous allez certainement avoir la chance de rencontrer des gens qui sont en quête de soutien aussi. Donc, à un certain moment, ça peut vous donner une idée de ce que vous voulez faire plus tard, ce que vous voulez faire dans la vie. Vous allez grandir aussi en empathie, en résilience et en respect. Clairement en respect parce que lorsqu'on est dans un organigramme quelconque, surtout au niveau du bénévolat, on est pas mal tous égales. Donc le respect, c'est la règle numéro un et vous allez avoir moins tendance à juger et développer davantage votre ouverture d'esprit sur certaines situations de la vie lorsque vous allez faire du bénévolat. Par la suite, cœur valeureux ou CV. Oh. Ah. Bon, on va être un petit peu égoïste ici dans notre don de nous-mêmes quand même, parce qu'en matière d'avancement professionnel, c'est pas négligeable d'indiquer qu'on fait du bénévolat sur notre curriculum vitae. On va se le dire. Parfois, c'est pas toujours facile de se vendre avec un potentiel quelconque pour un futur employeur. C'est quand même assez difficile de trouver l'équilibre aussi entre trop en mettre et ne pas en mettre assez dans un CV. Et dans ce cas-ci, bien, une action, ça vaut quand même 1000 mots. Et laisser le bénévolat parler pour nous, souvent, c'est peut-être une solution quelconque qui fait en sorte que vous allez bien paraître lors d'une entrevue. Que ce soit, par exemple, pour un organisme en lien avec vos projets de carrière ou que ça n'a rien à voir, en fait, avec ce que vous voulez faire plus tard dans la vie. Être bénévole, ça vous permet de mettre sur papier ce que vous avez un grand cœur, que vous êtes capable de donner du temps, que vous êtes capable d'accomplir des choses qui ne sont pas nécessairement seulement dans un cadre professionnel. Donc, ça montre que vous faites plus que le strict minimum dans votre vie, que vous avez de l'initiative, que vous avez un grand sens de l'entraide, que vous avez une capacité à travailler en équipe aussi souvent, parce que les bénévolats, c'est ça. Mais il faut se rassurer, ça n'enlève absolument rien au fait que l'offre de notre temps et de notre bonté à notre communauté, c'est quelque chose de bon, là, on s'entend. Donc, nos intentions sont toujours louables. La seule différence, c'est que là, on va les laisser savoir à ce moment-là, lorsqu'on va décider de l'inscrire sur notre curriculum vitae. Et par la suite, c'est la BA. Et la béatitude. Ben oui. C'est-à-dire avoir une grande foi en la bonne humaine, oui, bonté humaine. On sait que la nature de l'homme est bonne, donc ça se reflète quand même dans des petits gestes quotidiens avec l'entraide. Et on croit sincèrement en fait qu'une personne qui est beaucoup plus heureuse en aidant son prochain à être heureux va se ramasser beaucoup plus heureuse aussi. Donc c'est un sentiment de béatitude, de joie intérieure que le bénévolat va venir un petit peu contribuer à la bonne raison là, d'en faire. C'est un petit peu l'explication à pouvoir en faire, en fait, si vous comprenez un petit peu bien l'analogie. Donc, c'est une joie personnelle qu'on va ressentir lorsqu'on réussit à faire, par exemple, sourire quelqu'un, à lui faire oublier pendant un court instant certains problèmes si on joue dans cette sphère-là. Il y a aussi de faire comprendre qu'elle n'est pas seule. Donc, le contact humain, c'est quand même essentiellement... c'est important pour le bonheur. C'est un sentiment aussi d'appartenance qui va améliorer la qualité de vie. Donc, jamais personne n'est perdant en offrant de son temps et de son soutien. Au contraire, on a vraiment tout à y gagner. Et il y a plusieurs organismes qui sont tout le temps en recherche de bénévoles. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui tombe un petit peu en perte, malheureusement. Donc, si jamais vous cherchez dans une sphère précise, eh bien, sachez qu'il y a toujours des raisons quelconques, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient professionnelles, qu'elle soit pour l'engagement social au complet, qui va faire en sorte que vous allez vouloir donner de votre temps. Bien dit. Et voilà. Le bénévolat. Merci, ouais. Tania Baudin. Ça fait plaisir. Mmh. Des fois, c'est bon d'aider une personne qui est dans une moins bonne position que la tienne. Mm-hmm. Des fois, ils sont très, très par terre. Ben des oui. Fois, ils sont en bas de la ligne qu'on appelle « lowest of the low ». Donc voici Power Lines par ce même band à Assemblage Rock. magie, magie de galaxie dans l'assemblage requis. Abracadabra. Abracadabra. Je vais le faire apparaître par quelques conseils pour mieux vivre. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Les instructions d'assemblage, on se donne quelques conseils pour mieux vivre pendant quelques instants. On en prend, on en laisse, c'est normal. On n'est pas obligé de tout faire en même temps. Pour commencer, Tania, combien de temps est-ce que tu penses que ça prend avant de pouvoir se faire un nouvel ami? Tu rencontres quelqu'un, combien de temps ça prend avant que tu deviennes ami avec? C'est quoi ta définition d'ami? Assez proche pour partager des affaires, genre de ta vie personnelle? Ça peut être très long. Très long. Au-dessus de 90 heures. Oui, clairement. Ouais, parce que c'est pas mal la moyenne, selon une nouvelle étude qui suggère qu'il faut passer au moins 90 heures avec une personne avant qu'il te considère comme un vrai ami. Hein? Pour passer d'étranger à ami. C'était publié dans le Journal of Social and Personal Relationships et ça nous apprend que ça prend environ 50 heures de temps ensemble pour passer de connaissance à un ami comme normal, tu sais, ami casual que tu rencontres pour aller voir. Ben, de connaissance à connaissance et plus, mettons, si on veut. Et environ 90 heures, oui, pour devenir... Si tu y prends 90$, pour être ton ami. Ah, c'est ça, exactement. Pour avoir vraiment un ami, donc où tu vas spécifiquement chercher du temps seul avec cette personne-là. Et plus de 200 heures pour former un lien style meilleur ami pour toujours, best friends forever. C'est plus proche de ce que tu disais, 200 heures, toi? À peu près, environ. Alors, ce sont des heures qu'on passe à faire des choses ensemble. Ça peut être boire du café, regarder la télé, jouer à des jeux, peu importe. En autant qu'on choisisse de passer du temps avec la personne, c'est comme ça qu'on va se mériter cette relation-là. C'est pas mal ce que ça veut dire pour ça. Voilà. Ensuite, parlons de motivation. Oui. On veut se motiver à faire la vaisselle. Comment est-ce qu'on peut faire ça, se motiver pour faire la vaisselle? Tu te lèves, tu le fais. Ouais, ou tu te fais un cocktail. Ouh là là! Oui. Ah, donc, c'est un cocktail à la fin. On dit, en tout cas, c'est un conseil. Okay. Ouais, c'est un conseil quand même assez facile. Un drink qu'on sert comme ça, et on le place près du lavabo pour pouvoir le voir pendant qu'on fait la vaisselle. Moi, je trouve ça un petit peu peut-être trop, là. Ouais. Tu sais, il me semble que c'est carotte au bout du bâton. C'est ça, tu pourrais trouver autre chose. C'est ça, mais quand même. Ça fait aussi que tu n'auras pas la tentation de boire avant la fin parce que tu as des gants pour faire la vaisselle ou peu importe. Hein. C'est ce genre de conseil-là. Ce cocktail-là qui est utilisé comme motivation, sinon ça peut être n'importe quoi d'autre, un biscuit, du fromage, peu importe, mais d'avoir un objectif à atteindre. Aussi le fait que c'est plus propre chez vous quand tu fais la vaisselle. Oui. Mais bon. Ensuite, est-ce que tu te rappelles dans le temps de Windows 3.1, tu sais, les vieilles fenêtres Windows, hein, où t'avais le gestionnaire de fichiers. Hein. Mais tu peux avoir le File Manager d'origine des années 90, mais sur Windows 10, je te jure. Je te jure. Ah, ça, c'est hot. Ah oui, les ordinateurs ont fait beaucoup de chemin. Donc, au début de Windows, c'est ça, il y avait le gestionnaire de fichiers qu'on peut avoir de nos jours aussi. C'est un programme qui fonctionne avec, qui s'appelle WinFile, qui est disponible sur GitHub. Le lien est sur assemblagerequis.com. Il n'y a pas beaucoup d'instructions, mais quand même, le projet est maintenu par Craig Wittenberg, qui est un gestionnaire de développement chez Microsoft présentement et qui est avec la compagnie depuis 1982. Donc, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est comme une relique d'une autre époque. Si on veut. C'est très, très old school. Donc, allez voir ça. Le file manager des années 90 qui s'appelle maintenant WinFile. Ensuite de ça, tiens, Wikipédia, on s'en sert à tort et à travers. Quand tu vas sur une page Wikipédia, c'est rare que tu en sors vivant avant plusieurs heures, plusieurs nuits même de suite. En effet. Mais Wikipédia pourrait être ta page d'accueil pour apprendre les choses. Oh, OK. Hein? Si t'aimes juste un petit peu de distraction quand tu ouvres ton furteur Internet, mais pas trop. Hein? Tu sais, à la place d'aller sur Facebook, Twitter, ce qui serait trop d'informations, ou à la place d'avoir une page vide qui est là beaucoup trop minimaliste, vous pourriez essayer la page par hasard de Wikipédia. Hein? Quand même bien. Donc, vous avez les articles en vedette, vous avez des choses qui sont présentement dans les nouvelles, vous avez une section « Saviez-vous que? » Et puis, il y a la page par hasard que vous pouvez mettre en page d'accueil. Moi, je trouve ça vraiment bien. Il y a aussi les choses qui sont passées dans la journée d'aujourd'hui à travers l'histoire, la photo du jour, des trucs comme ça. Donc, page d'accueil ou article au hasard, ça pourrait être une bonne façon d'avoir un petit peu d'assouvir votre curiosité comme ça en vous levant le matin. Ensuite, pourquoi penses-tu que cet article-là nous suggère de prendre une photo de son poêle avant de s'en aller en voyage? De son poêle? De son poêle, sa cuisinière. Bien, s'assurer que les ronds sont toujours fermés. Exactement! Quand on part en vacances, donc on vérifie les portes, on vérifie les fenêtres, des fois 17 fois, ça peut arriver quand on est très très obsessif compulsif. Et quand tu pars en voyage, bien là, à un moment donné, t'arrives, tu te réveilles en plein milieu de la nuit, tu te dis, est-ce que j'ai laissé mon rond ouvert? Ben oui. Ah, incroyable. Ben là, tu vas pouvoir regarder la photo. Tu vas pouvoir regarder la photo, c'est un petit hack de vie, comme on appelle. Si vous pensez à ces affaires-là, comme laisser l'air climatisé, je sais pas, éteint aussi, ça pourrait être d'avoir débranché votre fer plat, d'avoir bien barré la porte, donc le loquet du bon bord, le thermostat baissé un peu, donc des trucs comme ça. Vous pouvez prendre ça en photo pour vous rassurer pendant votre voyage. Ensuite, tiens, parlant de cuisinière et de poêle, pourquoi est-ce qu'on devrait enlever, selon toi, les boutons à tourner, là, tu sais, les boutons, les knobs, comme on appelle, les genre de boutons là, de votre four avant de faire un party? Pourquoi, selon toi? C'est un conseil qu'on a sur le site Skillet. Pourquoi enlever les boutons qui tournent sur votre poêle, ceux qui sont en avant? Pour pas que les gens l'accrochent. Pour pas que les gens l'accrochent en dansant. Et puis, calmez-vous, tassez-vous du four. Parce que les gens pourraient s'accoter sur le four une fois de temps en temps. Et si les boutons sont sur le devant du four, ça pourrait partir un feu, ça pourrait causer une fuite de gaz. Ben, hein? C'est comme un enfant, tu joueras plus là après. C'est ça. T'apprendras quand t'auras plus poil ses fesses. Tu brûles. Donc, c'est ça. C'est un petit conseil comme ça, très, très simple. Hein? Ouais, après, c'est qu'il faut que tu les replaces. Hein? Ouais, ben, c'est ça. Ensuite, tiens, pourquoi. J'ai essayé de tourner ça en question, je sais pas trop quoi. Okay. Pourquoi est-ce que tu mettrais une deuxième pole dans ta douche? T'as déjà une pole dans ta douche? Ouais. Mais pourquoi est-ce que tu mettrais une autre pole dans ta douche? Pour accrocher du linge. Pour accrocher du linge, pour le faire sécher. Et que ça tombe dans le bain, non pas sur le plancher, avec ta pole normale. Je suis forte, hein? Je suis très, très forte. Très, très forte. Donc, un curtain rod, tu pourrais prendre un truc pour les rideaux aussi. Mm-hmm. C'est pas obligé d'être pour la douche, nécessairement. Et tu mets ça dans la douche avec des crochets, bien sûr, pour pouvoir accrocher tes vêtements. C'est merveilleux. Très, très bonne idée. Des vêtements secs, on aime ça. Mm-hmm. Ensuite, pourquoi est-ce que tu devrais jamais mettre ta soie dentaire dans la toilette? Parce que les petits poissons, ils vont... ça va s'enfler autour des petits poissons, ça va faire des soucis. Ça serait une bonne théorie. Ça serait une bonne théorie. Mais non, c'est que la soie dentaire, en fait, c'est pas biodégradable. Ah, ça se dissout pas du tout. Hein? Ouais, après, ça va se combiner avec les cheveux, le papier de toilette, les serviettes sanitaires, les serviettes humides et d'autres trucs pour former de gros icebergs, comme on appelle, qui vont bloquer certaines pompes ou des égouts comme ça. Et ces blobs-là peuvent se combiner avec des racines d'arbres et de la graisse, ça pourrait causer donc des déversements d'égouts et même ça pourrait endommager les moteurs dans le système septique. Hein, et ça coûte aussi très cher, nous dit-on. Les agences locales qui opèrent les systèmes d'égouts doivent passer plus d'argent sur la maintenance pour réussir à se débarrasser de tout ça. Donc, on dit pas de pas se passer la soie dentaire, on dit juste de pas mettre ça dans la toilette, mettre ça dans la poubelle. Clair quand même, hein? Clair. Ensuite, pourquoi est-ce que tu devrais chanter la chanson « Bonne fête » deux fois en lavant tes mains? Tu laves tes mains, bonne fête à toi, bonne fête je à sais toi. Bien pas. En la chantant deux fois, ça va te faire passer assez de temps sous l'eau et avec le savon à frotter. OK. Ah ah, ben oui. C'est vrai, c'est des physiciens qui ont dit ça. Deux versions de Happy Birthday en se lavant les mains, selon The Guardian. La saison du rhume et de la grippe, bien sûr, qui, je pense, c'est pas mal à l'année longue de nos jours. Il y a des gens qui savent pas, le temps optimal à passer avec le savon dans le lavabo, c'est 20 secondes si tu veux te débarrasser des virus et des bactéries. Donc, à la place de sortir ton chronomètre, la Royal Pharmaceutical Society, qui est un corps professionnel de pharmaciens en Grande-Bretagne, qui recommande de chanter deux couplets de Happy Birthday pendant chaque session de lavage de mains. Quand même, sinon vous pouvez faire juste un petit ou chanter dans ta tête, on est capable de comprendre quand même. Voilà, donc c'est ce qu'on recommande de faire là-dessus. Ensuite, celui-là, je me rappelle de t'avoir déjà mentionné ce conseil-là, et je me rappelle que depuis que j'ai lu cet article-là, il y a vraiment longtemps, parce que je prépare mes affaires beaucoup trop à l'avance, je le fais. Celui-là, c'est un des conseils que je suis. C'est quand tu pars le malaxeur ou la machine pour te faire des smoothies, hein? Mm-hmm. Ça fait plein de bruit sur le comptoir. Oui. Puis il est tard le soir, tes voisins, t'as peur. Sais, hein? Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu mets un linge à vaisselle en dessous plié. Quelle bonne idée! C'est extrêmement bon comme idée. Ça change tout, en fait. Si vous faites un milkshake le matin, peut-être, et que là, il est 5h et quelques, ça peut faire beaucoup de bruit. Les blenders, ça fait énormément de bruit. Donc c'est The Kitchen, le blog, qui vous suggère de mettre un linge à vaisselle plié en dessous du blender. Les vibrations vont être absorbées et vont pas passer à travers les planchers, à travers tout ce qui est comptoir et tout ça. Et puis aussi, vous devriez éloigner votre blender du mur pour pas que le son rebondisse sur le mur. Ça va quand même faire un petit peu de bruit, oui, parce que ça reste un blender, c'est mais sûr. Ça va être assez silencieux pour peut-être pas réveiller les voisins. On aime ça. Ensuite, on va trouver qui est un menteur autour de nous, un maudit menteur, okay, en augmentant leur charge cognitive avec des questions ouvertes. OK. Ouais, les j'aime mensonges, bien, ouais, pas pire, hein? Les mensonges, c'est difficile des fois à déterminer qu'est-ce qui est un mensonge. Tu sais, qui ment vraiment bien, tu sais, son bullshitter mm-hmm. en chef, comme on l'appelle. Mais si tu penses que quelqu'un te donne de fausses informations, tu pourrais essayer de sortir ces informations-là de la personne en les forçant à trop penser à leur histoire. OK. C'est un blog qui s'appelle Barking Up the Wrong Tree qui nous explique qu'un menteur va naturellement vouloir garder ses mensonges le plus simple possible. Donc, moins de détails ils ont à inventer, plus les choses vont être constantes les unes avec les autres et plus ça va être facile de te convaincre. Par contre, si tu peux contrer ça en demandant une question ouverte qui va augmenter leur stress dans le cerveau, ben ça va paraître plus lorsque la personne ment. Plus tu as à les faire penser, moins ils ont tendance à avoir une histoire qui se tient. Hein? Donc, tu veux augmenter sa charge cognitive. Un peu comme les détectives font en posant des questions ouvertes qui vont les faire parler le plus longtemps possible, finalement. Donc, des questions inattendues pour lesquelles ils sont pas préparés, ça va les épuiser mentalement et finalement, ils vont finir par dire quelque chose qui ne se tient pas. Hein? Plus tu peux les faire parler, mieux ça va, plus ils vont s'enfarger. C'est parfait, hein? C'est très bon. J'adore ça. Ensuite, justement, on a une petite thématique mensonge. Je les ai toutes mis ensemble. C'est okay. Bizarre, pareil. Hein? Donc, on va chercher une technique particulière pour voir où est le mensonge caché à l'intérieur de la vérité. OK. Donc, trouver si quelqu'un est honnête, ça peut être épuisant. Hein? Donc, on devrait chercher, en fait, une technique qui s'appelle le paltering, qui utilise des choses qui sont vraies pour distorsionner tes perceptions et te faire penser que tout est vrai, vu que des trucs qui sont vrais dans ce qui est dit. Okay? Mm-hmm. Donc, c'est un site d'affaires qui s'appelle Harvard Business Review qui nous explique que le paltering, ça arrive lorsqu'une personne, soit un politicien, un vendeur, peu importe, va te donner des choses vraies, donc va te donner de vraies informations, mais va laisser quelques éléments clés ou du contexte important de côté, ou va simplement interpréter les informations pour toi pour te faire penser que c'est vraiment ça qui a lieu. Hein? Donc, ce qu'il dit est vrai, mais il t'amène sur le mauvais chemin, si on veut. Hein? Donc, la conclusion de la chose serait fausse. Okay? Donc, on dit ici que, par exemple, disons que tu achètes une télé, mm-hmm, et un vendeur va te dire qu'une des télés très très chères vient avec le 4K et le HDR, ce qui va faire un bon achat à long terme. Aucune de ces choses-là sont littéralement fausses. La télé a effectivement le 4K, le HDR, et ça va rendre ta télé un petit peu plus durable. Par contre, le vendeur oublie de dire qu'ils ont une télé similaire dans une autre allée qui a exactement les mêmes caractéristiques, mais la moitié du prix. Oui. Donc, rien de ce que le vendeur t'a dit est faux. Il n'y a pas de mensonge là-dedans. Tu peux même vérifier ça. Mais ils ont utilisé la confiance qu'ils ont gagnée en disant des vraies choses pour te cacher le fait qu'il y avait quelque chose de moins cher ou de meilleur ou de peu importe d'autre ailleurs. Je trouve ça vraiment fort, c'est la technique du paltering. Ensuite, un ancien agent du FBI a un truc pour spotter un menteur un petit peu, c'est en écoutant comment ils disent le mot « non ». OK. Le mot « non » qui est utilisé souvent par les menteurs pour essayer de couvrir ce qu'ils racontent, selon un ancien agent du counter-intelligence, donc contre-renseignement, contre-information, la façon qu'ils le font peut révéler leur comportement mensonger. Donc, leur faire admettre un mensonge, c'est évidemment pas facile, surtout lorsqu'ils sont très, très bons. Mais si vous cherchez une façon de vraiment comprendre quelqu'un, l'agent du FBI, Larry Quay, suggère de faire attention à leur utilisation du mot « non ». Par exemple, ils vont dire « non » et regarder dans une autre direction. Ils vont dire « non » et fermer leurs yeux. Ils vont dire « non » après avoir hésité. Un petit toussotement. Ils vont dire « non » très, très étiré sur une longue période. Mm-hmm. Ou ils vont dire « non, non ». Comme en chantant une chanson. Non. Non, non. Non, non, non, non. Donc, selon qui a eu à gérer un paquet de menteurs en tant qu'agent du FBI, il dit que ces signes-là suggèrent qu'ils montrent un comportement mensonger ou qu'ils essaient de te mener sur le mauvais chemin. Cela étant dit, il n'y a pas de garantie absolue que quelqu'un ment juste parce qu'ils ont dit non en chantant un petit peu comme ça. Là. Donc, accusez pas les gens pour rien, mais quand même une technique parmi tant d'autres. Non. Ensuite, on va nous-mêmes mentir un petit peu en devenant donc un meilleur menteur en se créant un faux « tell ». tu sais, les gens ont tout le temps un tell. Comme on dit au poker, avoir un tell, je sais pas c'est quoi en français, là, mais d'avoir une petite caractéristique que tu fais tout le temps quand tu arrives pour mentir. Par exemple, tantôt, je disais un petit toussotement. Oui. Je jouais avec son cahier, mettons. Ouais, puis là, tu dis quelque chose, ça peut être mensonger. Mm-hmm. Tu sais, bullshit. Ouais, ah, oh, quand même. Donc, on va devenir meilleur menteur en faisant un faux tell. Se débarrasser d'un tell, c'est difficile à faire si tu sais même c'est quoi ton tell. Si tu veux être meilleur menteur, par exemple, créer un faux tell pourrait faire que les autres vont penser que t'es pas en train de mentir alors que, ou que t'es en train de mentir alors que t'es pas en train de mentir. Bref, ça pourrait être aussi subtil qu'un petit l'œil qui gigote un petit peu pour rien. Oui. Ça pourrait être te faire craquer les jointures, des trucs comme ça. Et une fois que les gens savent c'est quoi ton tell, ils vont pouvoir t'attraper n'importe quand alors que t'es en train de leur mentir. OK? OK. Mais les jointures, c'est assez difficile. Moi, mettons, en n'importe quelle situation, tu sais, comme présentement, je me fais craquer les jointures. Oui. Mais c'est vraiment juste habituel. Oui. Tout à fait. Ben, c'est ça. Il y a des choses qui peuvent être contextuelles, peuvent être faussées, là, ouais. Mais ça pourrait arriver. C'est pas parce que tu te craques les doigts que tu mens, mais quand tu mens, tu te craques les doigts. OK, ouais, je comprends. Tu sais, ce genre de choses-là. Donc, ce serait de se créer un faux tell et puis de faire attention. On dit de pas faire ça trop souvent parce qu'ils vont commencer à penser que t'es tout le temps en train de mentir, ce qui irait à l'encontre de l'idée de la chose. Donc, assurez-vous que ça vaut la peine et de faire face aux conséquences, d'être capable de faire face aux conséquences si jamais vous faites prendre. Ensuite, on reste dans le mensonge et on va éliminer notre processus mental, ou en tout cas un petit peu de lag dans le cerveau pour mentir de façon plus efficace. OK. Il y a des situations où mentir peut être bon pour toi. Par exemple, peut-être dans une entrevue d'embauche où ils te demandent quelque chose et puis tu veux pas nécessairement y aller avec ta vraie personnalité ou ce que tu penses que t'es pas capable de faire parce que t'as un syndrome d'imposteur, peu importe. Hein, il faut des fois que tu convertisses un petit peu la réalité pour fitter avec ce qu'on te demande. Puis après ça, les choses vont s'arranger. Ça peut arriver, t'sais. Bref, si vous êtes mauvais menteur, ça fonctionnera pas, hein? Évidemment. Mm-hmm. Donc, c'est un policier undercover qui s'appelle Neil Woods et qui explique chez Vice que lorsque les gens mentent, ils ont à réfléchir un petit peu plus pour raconter leur histoire. Hein? Donc, si l'histoire a vraiment eu lieu, tu peux juste l'expliquer. Mais si tu inventes quelque chose, il faut que tu trouves des éléments pour que les éléments fitent ensemble dans ton histoire. Oui. Donc, ce processus-là peut prendre quelques secondes de plus et ça va faire que ton histoire va avoir l'air un petit peu suspecte. Donc, pour que quelqu'un croie ton histoire, si tu es en train de mentir, il faut que tu élimines ce lag-là. C'est comme le tampon un petit peu. Ouais. Hein? Donc, une étape de pensée de plus où les gens se demandent comment est-ce que je peux dire ce mensonge-là de façon convaincante et ça ralentit les gens. Ça peut avoir l'air comme si tu essayais trop. Tu sais. Hein? Donc, dans certains cas, ça veut dire se préparer à l'avance, peut-être se créer l'histoire, la pratiquer un petit peu, si vous voulez. Ça pourrait être, je sais pas, disons que, tiens, on a un exemple dans l'article. Mettons que tu vas magasiner un cadeau pour ton mari, ta femme, peu importe, mais tu veux pas qu'il le sache. Donc, tu vas aller magasiner pendant cette période temporelle-là, alors que t'es pas à la maison, et tu vas avoir une raison alternative de préparer. Comme genre, je suis allé acheter quelque chose, puis tu l'as avec toi. Mm-hmm. Comme ça, ça va être moins difficile de créer ton histoire parce que tu l'as eu, l'histoire. Mm-hmm. Parce que tu oublies un détail, comme le fait que tu es allé chercher un cadeau. Donc, ça pourrait ne pas être quelque chose de malicieux, ça pourrait être quelque chose de très, très sympathique. Évidemment, il y en a d'autres qui vont peut-être essayer de cacher une affaire extra-conjugale. Mais ben là, oui. On parle seulement de cadeau. Ensuite, on change de sujet. On a arrêté avec les mensonges. Je pense qu'on a assez menti, hein? Mais par contre, on continue à se mentir soi-même des fois avec la première étape, mais une fausse première étape, c'est-à-dire d'acheter quelque chose pour avoir l'impression qu'on avance à une autre étape. Par exemple, mettons, OK, je me dis, je veux me remettre en forme, la première étape que je vais faire, ma false first step, ça va être d'aller m'acheter, mettons, une Apple Watch. Okay. Je me dis, ah, Colin, OK, ça justifie mon achat parce que je veux perdre du poids, je vais acheter une Apple Watch. T'as pas besoin nécessairement de l'Apple Watch pour perdre du poids. Non, c'est ça. Dans le fond, t'es juste en train de te trouver une excuse pour acheter une Apple Watch. Exactement. Tu comprends? C'est ce qui arrive des fois. Donc, c'est le site de pleine conscience Break the Twitch qui appelle ça False First Step. C'est l'auteur Anthony Ungaro qui dit ça. Donc, c'est croire qu'on a vraiment pris, qu'on a vraiment fait une étape, qu'on a vraiment avancé d'un pas vers notre but, alors que tout ce qu'on a fait, c'est dépenser de l'argent et on n'a pas, en fin de compte, fait ce qu'on était supposé faire. On a même perdu de l'argent et du temps à la place de se rendre à notre but. Hein? Mm-hmm. Tout le monde fait ça avec des équipements d'entraînement, hein, des elliptiques, des trucs, des équipements pour votre caméra en vous disant que vous alliez faire plein de cinéma, de la nourriture santé, hein, Colin, des hobbies, des intérêts, des buts, des trucs comme ça. Donc, quelques exemples parmi tant d'autres. À la place d'acheter quelque chose pour embarquer dans votre hobby, commencez votre hobby. Puis après ça, achetez des affaires si vous êtes all-in là-dedans. T'sais. Ouais, bonne idée. Une fois que t'es rendu all-in, vas-y, all-in. Ensuite, quand on regarde Netflix sur un ordinateur, ça nous arrive peut-être, je sais pas, vu que c'est un ordinateur, peut-être qu'on est plus pressé. Tu sais, quand c'est sur la TV, tu laisses tout rouler, prochain épisode, il y en a pas de problème. Mais sur l'ordinateur, t'es peut-être entre deux cours, t'es pressé, tu veux sauter les introductions, les génériques d'ouverture et de fermeture. Ben, il y a une extension Chrome. C'est exprès pour ça. Ben oui. Ça s'appelle Neverending Netflix, une extension Chrome qui va automatiquement skipper les génériques d'ouverture et les pop-up qui vous demandent si vous êtes encore en train de regarder. Et ça va automatiquement jouer le prochain épisode de l'émission une fois que vous avez terminé pour pas avoir à appuyer sur le bouton suivant. Il y a aussi la capacité dans l'application, dans l'extension, pardon, de chercher la bibliothèque de Netflix et plus de 3000 genres de films ou de séries télé. L'extension est activée en cliquant sur l'icône dans le furteur Chrome. Et voilà. C'est simple comme ça. Les options sont sauter la séquence d'ouverture, jouer automatiquement le prochain épisode, enlever l'autoplay quand t'es à la maison et puis ne pas demander est-ce que vous regardez toujours. Par exemple, ça pourrait faire avec ton GPS détecter si t'es à la maison, il va enlever l'autoplay alors que si t'es au travail ou ailleurs, l'autoplay va moins. Ensuite, ou n'aura pas lieu. Ensuite, oui, on reste sur Netflix en fait, et à la place d'avoir plusieurs comptes Netflix parce que vous prêtez votre compte à des amis ou de la famille ou à un ex ou des trucs comme ça, hein, vous pourriez avoir plusieurs comptes Netflix pour en fait vos humeurs différentes. Ah, ok, ouais, je comprends. Tu sais, quand t'arrives sur Netflix, puis là, ben ok, ils vont te dire. Ils te demandent qui êtes-vous? Ben c'est ça exactement, et à la place de cliquer sur votre nom et d'avoir toutes les suggestions par rapport à tout ce que t'as regardé, ça pourrait être un compte, t'aurais un compte triste, mettons, t'aurais un compte après avoir bu quelques verres, t'aurais un compte action et explosion, hein? Donc Netflix te permet d'avoir 5 logins différents sur ton compte. Et typiquement, ben, c'est fait pour donner l'accès à ta famille ou des trucs comme ça qui sont pas super recommandables, même si Netflix a pas l'air de déranger tant que ça. Donc, c'est clair que chaque compte a sa propre historique de visionnement et ses propres recommandations. Donc, tu pourras avoir un login pour différentes sortes d'émissions. Voilà. Simple quand même. Hein? Oui, très simple. Très simple. Ensuite, on va sur YouTube maintenant, après Netflix, et on se demande comment cacher les vidéos reliées sur YouTube. Tu sais, quand tu vas sur YouTube pour regarder une vidéo... Et puis là, évidemment, t'as l'autoplay qui est activé. Et en plus, t'as la petite liste à droite qui dit genre vidéo similaire ou vidéo reliée à celle que tu viens de regarder. Et là, ben t'as pas le choix, t'en regardes une autre, puis ça finit jamais. C'est tout le temps comme ça. Tout le temps. C'est pareil comme Wikipédia. Tu peux pas arrêter. C'est impossible. Eh ben, il y a une extension pour t'aider. Encore une fois, sur Google Chrome qui s'appelle Distraction Free YouTube. Et maintenant, sur chaque page, tu peux facilement enlever les barres pour les vidéos recommandées sans même recharger la page. C'est parfait. Et c'est parfait aussi pour des familles où il y aurait peut-être des enfants. Et les pages, les vidéos reliées sont souvent pas nécessairement très reliées aux petits dessins animés que vous regardez. T'sais. Ça pourrait être des trucs vraiment inappropriés pour vos enfants. Donc, désactivez ça avec Distraction Free YouTube. Ça fonctionne sur... en fait, ça, c'était sur Chrome, mais aussi sur Firefox et Opera. Magic Actions for YouTube, où on peut cliquer sur « Cacher des éléments de la page » et puis ensuite « Vidéos reliées ». Magic Actions qui vous permet aussi de cacher les commentaires qui peuvent être assez inappropriés aussi. Faire l'auto-expansion des vidéos pour avoir la page complète là, étirée, là, la vraie vidéo pleine grandeur, mais pas plein écran, mais presque. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et voilà. Ensuite... on termine avec Access URL. Access URL, je vais répéter le dire comme il faut, qui permet de partager vos comptes en ligne et garder votre mot de passe sécuritaire. Encore une fois, c'est sur Google Chrome. Peut-être que vous travaillez avec quelqu'un qui a besoin de participer ou d'accéder à vos comptes en tant que tel, comme peut-être, je sais pas, la version en ligne de Dropbox, un Gmail précis, mais tu veux pas partager ton code avec la personne. Mais non. Ça peut arriver. Donc, c'est ce que Access URL fait. C'est une extension Chrome qui vous permet de prendre l'adresse URL, donc l'adresse web de votre compte, et de la partager avec quelqu'un. Et tu peux lui demander à l'URL d'expirer dans une journée, une semaine ou jamais. L'extension va générer sa propre URL que l'autre personne va pouvoir utiliser pour accéder à ton compte pendant seulement cette période de temps-là ou jusqu'à ce que tu fermes ta session, ce qui pourrait être très pratique pour les jeter dehors de ton Gmail, par exemple. Ça suffit sur les cookies. Ça pourrait ne pas fonctionner sur chaque système, nous dit-on, mais c'est un standard dans l'industrie par rapport à l'encryption pour garder vos données sécuritaires qui disent. Donc, Access URL, c'est sur le magasin d'extension de Google Chrome. Poppy! Ben ouais. Voilà, hey, on a passé à travers nos 20. En vraiment pas tant de temps que ça. Pas en tout temps. Non, on a bien fait ça. Ben oui, merci. Merci. Il est ben trop de bonheur à finir l'émission ici. Fait qu'on va écouter une autre chanson. Oui! écoutons une chanson qui est quand même assez courte. Hein? Écoutons Moving to Canada. Voici leur pièce Stardust Invasion et on revient se dire au revoir après. Invasion par Moving to Canada. Assemblage requis, c'est là-dessus qu'on termine l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à Antoine Lapointe-Ricard pour sa chronique plein air excellente. Merci Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Ça fait plaisir. Demain, l'émission, on va être mardi, Caroline, puis mardi, mais il y a plein d'affaires. Par contre, on n'aura pas Marc-Olivier Dumas pour sa chronique sport et filoché. Non. Par contre, on va avoir Justine Renaud qui va être là pour une chronique de Justine Pertine. Dominique Nedmabungo va être là pour Voix d'Afrique et Jimmy Thibodeau pour Gauchère Bien Vu. C'est le plan de demain entre 7h et 10h. Sur nos ondes aujourd'hui, c'est dans ta face, c'est en rappel à midi, reclassique en rappel à partir de 13h. Et en direct, Rock de Luron à partir de 20h. C'est fou.ca, assemblagerequis.com. Et on se retrouve demain matin, 7h. Bye bye! Hey, bon café tout le monde!